Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbo-Mistassini, M. Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbo-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuet et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. M. Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbo-Mistassini, 88 276 23 85. Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbo-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 2 août. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord. En parlant qu'hier, on a fait une entrevue très intéressante avec Louis Aubin pour nous parler de l'avenir du golf dans la région et comment ça se passe cette année. Et Louis Aubin mentionne que ça va quand même bien et il y a beaucoup de nouvelles personnes qui s'adonnent au golf cette année. On va écouter là-dessus Louis Aubin. Parce que, il a fait chaud. Oui, c'était peut-être difficile pour certaines personnes de jouer, mais je te dirais que c'est plus la catégorie des membres qui, elle, est incommodée par la chaleur. Donc, ça laissait beaucoup de place aux prestations journalières, les green tea qu'on appelle. Ouais. Ce qui fait que l'offre était quand même assez intéressante. Je connais pas les détails sur chacun des terrains, mais je peux vous dire que ce que j'entends, du moins, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux visages et des visages inconnus qui se présentent sur les terrains de golf en ce moment dans la région. Probablement dû au fait qu'il fait tellement beau qu'on a un tourisme, un achalandage touristique qui est quand même assez impressionnant pour avoir parlé avec certains hôteliers dernièrement. Puis là, ben, comme je le disais tantôt, étant donné que les membres, ben, ils disent, oh, il fait trop chaud, on va jouer seulement avec un œuf, ben, ça laisse de la place à ces gens-là à venir justement passer une petite journée au golf. Puis l'allure jusqu'à maintenant sur certains terrains à qui j'ai parlé aussi, des entrées journalières, des green fees, et parfois assez impressionnant. OK. Est-ce que Louis Aubin mentionne qu'il y a quand même une bonne synergie entre les clubs de golf. Par contre, il y a une certaine rivalité encore. Il y a un certain esprit de clocher, explique le responsable du golf dans la région. Oui, ouais. Alfreda et Port Alfred. C'est quand même assez généralisé, mais ça, c'est historique. C'est historique non pas seulement dans le golf, dans n'importe quoi. Dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans n'importe quoi. Alors, je pense qu'on est, on a ce gène-là en tant que Saguenayens ou Janois que de protéger notre territoire. Mais oui, il y a une certaine synergie. En fait, il y a des rencontres qui se font de façon assez régulière entre les présidents, les directeurs généraux de chacun des clubs pour discuter de l'état de la chose, pour essayer d'amener des idées. C'est sûr que c'est difficile. Une fois qu'on est dans la saison, c'est beaucoup de travail en peu de temps. Nous, les saisons de golf chez nous durent quoi? 4-5 mois. On va dire 6 mois pour si on est très, très, très chanceux. Mais en majorité, c'est toujours aux alentours de 4 mois. Puis là, on est dans le pic. Alors, c'est 7 jours sur 7, de 7h le matin à 7-8h le soir. C'est difficile de toujours s'entraider pendant ces périodes-là. Je pense que les clubs font un effort en tant que tel. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, comme l'autre. À ce qu'il y ait vraiment des points d'ancrage qui se passent en chacun des clubs, puis qu'il y ait vraiment cette vraie, façon de s'aider ou de s'entraider, c'est pas évident encore. Ah non, ben c'est Louis Aubin mentionne qu'il y a peut-être un terrain de golf de trop dans la région. Tu sais, chaque golfeur va jouer plutôt que de jouer une cinquantaine de fois ou dire je vais rentrer membre, m'inquiète pas. Ben, ils vont jouer juste 20 fois, puis ils vont faire du vélo, puis ils vont faire autre chose. La population est vieillissante aussi. Mm. Mais à Montréal, il faut quand même dire qu'à Montréal, il y avait une sur-représentation de clubs de golf. T'sais, à un moment donné, tout le monde voulait son club de golf quasiment dans la cour chez eux. Fait que ça a poussé comme des champignons. Chose qui n'est pas arrivée dans la région chez nous. La seule chose qui est arrivée dans la région, c'est qu'il y a des terrains qui avaient des neutres trous. Ils se sont dotés d'un neutre trou supplémentaire pour faire des 18. Je pense à Port-Alfred dans les années 90. Je pense à Saint-Prime un petit peu dans ces Joe-là aussi, quelque part en 90. Sinon, c'est ça. On a peut-être un terrain de golf de trop dans la région, peut-être. Il y en a qui disent ça. Mais moi, je pense que c'est plus de penser, d'aller dans le futur, de voir plus loin. Là où le golf a eu la plus grosse perte, c'est que justement, quand il y avait une surabondance de golfeurs, quand monsieur, madame, tout le monde rentrait membre, puis jouait 50, 60, 70 fois, prenait la place d'à peu près tout ce qui pouvait être possible sur la plage horaire du golf, ben on pensait pas aux jeunes, puis on pensait pas au développement. Au Jeu du Québec qui se déroule actuellement à Thetford Mines, la région a remporté 4 autres médailles hier. Donc, du côté maintenant, du côté du cycliste Marc-Antoine Tremblay, qui avait gagné une médaille d'argent en début de semaine, a récidivé avec une autre médaille d'argent au sprint sur route dans la catégorie cadet. Maxime Lapointe, dans la catégorie minime, a terminé également avec la médaille d'argent. À la piscine, Mathieu Ouellet a remporté sa médaille aux 50 mètres style libre et Alison Gobey, en pentathlon, a terminé en troisième place. Maintenant, au niveau du basketball féminin, la région a gagné 65-2 contre la Côte-Nord avant de perdre 56-26 contre Richelieu-Yamaska. Et du côté masculin, la région a perdu 52-26 contre Montréal. Au volleyball de plage, Christelle Bergeron et Alexis Lapointe ont perdu contre l'Abitibi et la Rive-Sud avant de gagner contre Richelieu. Au niveau masculin maintenant, Louis de Montigny et Édouard Thérien ont gagné contre Chaudière-Appalaches et l'Est du Québec avant de perdre contre Richelieu-Yamaska. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean a gagné la bannière d'esprit sportif en vélo de montagne. Donc, ce qui fait que ce matin, à Thetford Mines, la région se classe au 10e rang avec un total de 63 points, dis-je. Et le Saguenay-Lac-Saint-Jean a une médaille d'or, 9 médailles d'argent et 4 médailles de bronze pour un total de 14 médailles. Si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez écouter la section entrevue de danradiosport.com. On l'a parlé ce matin avec Alexandre Lallemand qui se trouve là-bas à Thetford Mines. Et après plusieurs années d'absence, le football senior est de retour dans la région. Si ça va comme prévu, l'équipe qui va s'appeler les Mercenaires feront partie de la Ligue de football senior du Québec et également de la Ligue de football senior 12. C'est Pierre-Luc Bouchard qui compte de l'expérience comme joueur et entraîneur chez les Gaillards de Jonquière qui sera l'instructeur de l'équipe. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé d'abord avec Pierre Trudel. C'est le retour de Pierre Trudel dans la section entrevue de danradiosport.com. On s'est également entretenu aussi avec d'autres intervenants, entre autres Louis Aubin, qui est le directeur général du club des clubs de golf dans la région, et d'autres entrevues dans la section entrevues de danradiosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.